Unité 30. Conversation. Écoutez. Tu ne devais pas aller à la mairie. Si, j'ai besoin d'une fiche d'état civil. Crois-tu que les bureaux sont ouverts jusqu'à 6 heures? Non, je ne crois pas qu'ils soient ouverts jusqu'à 6 heures. Je crois qu'ils sont ouverts jusqu'à 5 heures seulement. N'est-ce pas, Pierre? D'après moi, ils ferment à 5h30. Alors, dépêche-toi si tu veux arriver avant la fermeture. Mais il est déjà plus de 5 heures. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Répétez. 1. Tu ne devais pas aller à la mairie. 2. Si, j'ai besoin d'une fiche d'état civil. 3. Crois-tu que les bureaux sont ouverts jusqu'à 6 heures? 4. Non, je ne crois pas qu'ils soient ouverts jusqu'à 6 heures. 5. Je crois qu'ils sont ouverts jusqu'à 5 heures seulement. N'est-ce pas, Pierre? D'après moi, il ferme à 5h30. 7. Alors, dépêche-toi si tu veux arriver avant la fermeture. 8. Mais il est déjà plus de 5 heures. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Répondez, répétez. 9. Tu ne devais pas aller à la mairie. 10. Si, j'ai besoin d'une fiche d'état civil. 11. Crois-tu que les bureaux sont ouverts jusqu'à 6 heures? 12. Non, je ne crois pas qu'ils soient ouverts jusqu'à 6 heures. 13. Je crois qu'ils sont ouverts jusqu'à 5 heures seulement. N'est-ce pas, Pierre? 14. D'après moi, il ferme à 5h30. 15. Alors, dépêche-toi si tu veux arriver avant la fermeture. 16. Mais il est déjà plus de 5 heures. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. 'Écoutez. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Non, je suis contrariée. Paul n'est pas bien. Tu crois qu'il a de la fièvre? Non, je ne crois pas qu'il ait de la fièvre. Que crois-tu qu'il ait alors? J'ai peur qu'il ait une allergie. Pourquoi crois-tu que c'est une allergie? Il a des boutons sur les mains. Faut-il que j'appelle le médecin? Oui, je pense que c'est préférable. Répétez. 17. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? 18. Non, je suis contrariée. Paul n'est pas bien. 19. Tu crois qu'il a de la fièvre? 20. Non, je ne crois pas qu'il ait de la fièvre. 21. Que crois-tu qu'il ait alors? 22. J'ai peur qu'il ait une allergie. 23. Pourquoi crois-tu que c'est une allergie? 24. Il a des boutons sur les mains. 25. Faut-il que j'appelle le médecin? 26. Oui, je pense que c'est préférable. Répondez, répétez. 27. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? 28. Non, je suis contrariée. Paul n'est pas bien. 29. Tu crois qu'il a de la fièvre? 30. Non, je ne crois pas qu'il ait de la fièvre. 31. Que crois-tu qu'il ait alors? 32. J'ai peur qu'il ait une allergie. 33. Pourquoi crois-tu que c'est une allergie? 34. Il a des boutons sur les mains. 35. Faut-il que j'appelle le médecin? 36. Oui, je pense que c'est préférable. Écoutez. Tu veux que je passe te prendre? Non, ce n'est pas nécessaire que tu te déranges. À quelle heure faut-il que tu sois à la gare? Il faut que je sois à la gare dans une heure. Tes amis t'attendront à la gare de Nantes? Non, je ne pense pas qu'ils aient le temps de venir me chercher. Répétez. 37. Tu veux que je passe te prendre? 38. Non, ce n'est pas nécessaire que tu te déranges. 39. À quelle heure faut-il que tu sois à la gare? 40. Il faut que je sois à la gare dans une heure. 41. Tes amis t'attendront à la gare de Nantes? 42. Non, je ne pense pas qu'ils aient le temps de venir me chercher. 43. Tu veux que je passe te prendre? 44. Non, ce n'est pas nécessaire que tu te déranges. 45. À quelle heure faut-il que tu sois à la gare? 46. Il faut que je sois à la gare dans une heure. 47. Tes amis t'attendront à la gare de Nantes? 48. Non, je ne pense pas qu'ils aient le temps de venir me chercher. 49. Allô, l'agence pour l'emploi? Ici Charles Legrand. Y a-t-il quelque chose pour moi? 50. Non, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose pour vous. 51. Pouvez-vous contrôler, s'il vous plaît? 52. Il faut que vous patientiez un instant. Je suis occupée. 53. Est-ce que je peux vous rappeler vers midi? 54. Si vous voulez, mais il est préférable que vous passiez. Répétez. 55. Allô, l'agence pour l'emploi? Ici Charles Legrand. Y a-t-il quelque chose pour moi? 56. Non, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose pour vous. 57. Pouvez-vous contrôler, s'il vous plaît? 58. Il faut que vous patientiez un instant. Je suis occupée. 59. Est-ce que je peux vous rappeler vers midi? 60. Si vous voulez, mais il est préférable que vous passiez. Répondez. Répétez. 61. Allô, l'agence pour l'emploi? Ici Charles Legrand. Y a-t-il quelque chose pour moi? 62. Non, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose pour vous. 63. Pouvez-vous contrôler, s'il vous plaît? 64. Il faut que vous patientiez un instant. Je suis occupée. 65. Est-ce que je peux vous rappeler vers midi? 66. Si vous voulez, mais il est préférable que vous passiez. Écoutez. Que pensez-vous des mesures pour les restrictions d'énergie? Je crois qu'il faut se résigner. Vous ne croyez pas que ces mesures soient nécessaires? Si, mais il ne me semble pas que ce soit les meilleures. Pourquoi? Il ne suffit pas que nous économisions l'énergie. D'après vous, que faut-il faire? Mon idée, c'est qu'il faut changer nos habitudes de vie. Répétez. 67. Que pensez-vous des mesures pour les restrictions d'énergie? 68. Je crois qu'il faut se résigner. 69. Vous ne croyez pas que ces mesures soient nécessaires? 70. Si, mais il ne me semble pas que ce soit les meilleurs. 71. Pourquoi? 72. Il ne suffit pas que nous économisions l'énergie. 73. D'après vous, que faut-il faire? 74. Mon idée, c'est qu'il faut changer nos habitudes de vie. Répondez, répétez. 75. Que pensez-vous des mesures pour les restrictions d'énergie? 76. Je crois qu'il faut se résigner. 77. Vous ne croyez pas que ces mesures soient nécessaires? 78. Si, mais il ne me semble pas que ce soit les meilleurs. 79. Pourquoi? 80. Il ne suffit pas que nous économisions l'énergie. 81. D'après vous, que faut-il faire? 82. Mon idée, c'est qu'il faut changer nos habitudes de vie. Écoutez. Où le Rhône prend-il sa source? Le Rhône prend sa source dans le massif du Mont Blanc. Tu en es sûr? Je ne suis pas sûr que tu aies raison. À ton avis, où naît-il? Il naît dans le massif du Saint-Gothard, ignorante. Je ne crois pas que vous soyez très fort en géographie. Notre professeur est de ton avis. Il veut que nous ayons des notions un peu plus précises. Répétez. 83. Où le Rhône prend-il sa source? 84. Le Rhône prend sa source dans le massif du Mont Blanc. 85. Tu en es sûr? 86. Je ne suis pas sûr que tu aies raison. 87. À ton avis, où naît-il? 88. Il naît dans le massif du Saint-Gothard, ignorante. 89. Je ne crois pas que vous soyez très fort en géographie. 90. Notre professeur est de ton avis. Il veut que nous ayons des notions un peu plus précises. 91. Où le Rhône prend-il sa source? 92. Le Rhône prend sa source dans le massif du Mont Blanc. 93. Tu en es sûr? 94. Je ne suis pas sûr que tu aies raison. 95. À ton avis, où naît-il? 96. Il naît dans le massif du Saint-Gothard, ignorante. 97. Je ne crois pas que vous soyez très fort en géographie. 98. Notre professeur est de ton avis. Il veut que nous ayons des notions un peu plus précises.